moitié d'une vie à te désirer. Tu fais partie d'un rêve avec condition. Ces songes d'or et un refusé où tu es présente sans soumission. L'arc-en-ciel sur la terre flétrie procréera le jeu d'amour. Ce pont entre mon interdit, nous l'enjamberons pour toujours. Vieux monde interdit, ère nouvelle, polychrome, toi et moi, dans ce lit communion, sous ton dos. L'amour naîtra, beau et sensuel, pas de douleur, juste du désir. Toi et moi, chevauchant le rituel, nous serons réunis dans ce désir. Pour toujours dans cette pensée, tu es présente sans concession. Car à jamais, nous sommes liés dans le rite de la passion. Vieux monde interdit, ère nouvelle, polychrome, toi et moi, dans ce lit communion, sous ton dos. Vieux monde interdit,